Il a fait dans la rue. Il a joué aux inconnus. Il a tout de suite plu aux jeunes femmes petites et brunes. Il n'en croyait pas la lune. Il se moquait de plus d'une. Il prenait sa belle revanche pour ne plus être un bel ange. À toutes, il leur dit je t'aime. Il leur écrit des poèmes copiés-collés sur le net. Il s'en moque, il sait qu'elles aiment. À toutes, il leur dit t'es belle et joue le Roméo d'un soir. Et plus tard, c'est du casse-toi. Tu me colles de trop, je veux plus te voir. Casse-toi. Colle de trop, je veux plus te voir. Il a traîné dans ses livres. Il a oublié de vivre. Il n'a jamais réussi à séduire le cœur une fille. Il attend l'amour avant. Il aimerait qu'elle puisse le comprendre. C'est toujours du ça va très bien alors qu'il en est bien loin. À toutes, il leur dit bonsoir. C'est toujours la même histoire. Elles ne reviennent jamais, c'est pour lui son gros problème. À toutes, il leur dit salut et sait qu'il ne leur a pas plu. C'est toujours bienvenue chez moi, casse-moi mon cœur, ce n'est pas si grave. Bienvenue chez moi, casse-moi mon cœur. Pas si grave. Au final, pour plaire aux femmes, faut être con pour être bon. Car quand t'es bon, elles te disent non. T'as le temps de terminer ta chanson. Si vraiment tu ne comprends rien à ce qu'elles recherchent, ce qu'elles veulent bien, laisse tomber, ça vaut mieux pour toi. Pour que t'en aies une qui vienne vers toi. À tout on leur dit je t'aime, on leur écrit des poèmes, on joue parfois les beaux salauds. L'homme sera jamais un bon cadeau. À tout on leur dit salut en jouant le mec qui ne sait plus. Ça les énerve et ça nous plaît. C'est aussi pour ça qu'elle nous aime. Ça les énerve et ça nous plaît. C'est aussi pour ça qu'elle nous aime.